dans tes beaux habits neufs. Tu devrais bien quand même voir l'entrée, ou alors tu n'as sans doute rien compris, même si t'as quand même tout détruit dans le pavillon noir que t'avais redouté. La grande sortie offerte que tu m'avais refusée. On allait se le dire qu'on n'était pas bien là et aller bien au fond et revenir encore sans jamais dépasser la porte de corridor. Quand tu chialais, tu faisais moins peur, comme si tu fassais toutes mes erreurs. Du bâtiment d'ici, son allure extérieure, et j'imaginais bien, ça tenait à presque rien. On aurait pu faire face à ce qu'on avait vu le jour de l'ouverture de notre grande surface. On aurait dû s'achever pour ne pas avoir à en pleurer, se retrouver dehors. Sans doute elles seront là, peut-être sorties des salles, en face, en plein milieu, enfin se préparer. Il suffisait d'y croire à nos belles trouvailles, et j'imaginais bien, ça tenait à presque rien. On aurait pu faire face à ce qu'on avait vu le jour.